Audiomatique. Thank you. transmission 541 d'Audiomatique était lancée sur la musique de la trompettiste et compositrice Yaz Ahmed, originaire du Bahreïn, un pays au Moyen-Orient. De son plus récent album intitulé A Paradise in the Old, paru le 28 février dernier, nous écoutions la pièce Though My Eyes Go to Sleep, My Heart Does Not Forget You. Et maintenant, c'est au tour du duo australien Friends of Alice Ivy d'assurer la continuité audiomatique. Thank you. nous avions droit à Audiomatic au duo français Extension. De son album Legacy, sorti en 2009, nous entendions la pièce The Plague. Précédemment à Extension, c'était le duo australien Friends of Alice Ivy et la chanson Song of Lyra, extraite de l'album The Golden Cage and Its Mirrored Maze, paru en 2014. Audiomatic se poursuit maintenant avec le Hidden Orchestra. Thank you. Empiezo una nueva vida, un rompecabezas. À Audiomatic, nous venons d'écouter le projet Shoba Leader One, mené par l'artiste britannique Thomas Jenkinson, reconnu pour être l'âme créatrice derrière son autre projet plus connu, Square Pusher. Donc, de l'album Demonstrator de Shoba Leader One, nous entendions la pièce Frisco Wave. Avant cela, c'était la formation colombienne Atercio Pelados et sa pièce Rompe Cabezas, tirée de l'album Gozo Poderoso, paru en 2000. Et pour amorcer la séquence, c'était le Hidden Orchestra qui nous offrait sa composition Flight, parue sur le deuxième album Archipelago, paru en 2012. La transmission d'Audiomatic se conclura sur une très courte pièce de la formation Controlled Bleeding. La pièce, qui s'intitule tout simplement Live at Tonic New York City Part 2, a été enregistrée en concert en 2004 et elle apparaît sur Gibbering Canker Opera Slaves Studies in Meditation and Evisceration. C'est une anthologie regroupant des pièces rares composées tout au long de la carrière de Controlled Bleeding depuis 1978 jusqu'à la publication de cet album en 2009. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Controlled Bleeding, live au Tonic de New York City. C'était Audiomatic avec les sonoristes.